Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche. Sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche. Sounds of fiesta. with you, or I will go without. I'm thinking about you, I'm thinking all the time. Just pop my collars, just pop my collar for life. I'm dreaming about you, I'm dreaming all the time. I need to go with you, or I will go without. Just pop my collar. Radio AQP, con música fácil de escuchar. What you waiting for? Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélies, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélies, oh, mais elle a tout pris. Elle est en seconde dans un lycée de banlieue. Sort avec un mec de son quartier depuis peu. Il est comme elle aime, c'est-à-dire un peu plus vieux. Il a l'air amoureux, ils ont tout pour être heureux. Elle l'a jamais fait, elle attendait juste le bon gars. Là elle se dit bingo, ils sont seuls dans la Twingo. Donc ça va swinguer, elle enlève son tanga. Il réussit le ace comme Tsonga. Oui mais voilà, 9 mois plus tard, il n'assume pas et se sauve comme un bâtard. Elle a découvert qu'en fait il est fêtard. Résultat, elle se retrouve seule dans cette histoire. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélies, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélies, oh, mère a tout pris. Je peux te dire que toute sa vie elle se rappellera. Elle se rappellera le jour où elle annonça. Où elle annonça à sa mère et son papa. Elle annonça qu'elle était enceinte de 3 mois. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il saute de joie. Mais elle espérait quand même qu'elle fasse preuve de bonne foi. Le moins que l'on puisse dire c'est que ce ne fut pas le cas. Et la galère commença. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélies, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélies, oh, mère a tout pris. Elle a dû construire très rapidement un foyer. Faire face à ses responsabilités pour loyer. Trouver un travail coûte que coûte pour le payer. Elle aura tout essayé. Comme on dit dans les quartiers, elle s'est saignée. Pour trouver quelqu'un qui veut bien la renseigner. Que quand on n'est pas vif, comme a-t-il saigné. De ne pas lâcher l'affaire, ça lui a enseigné. Oh, on a tous connu une fille dans le cas d'Aurélie. Une pour qui grossesse est synonyme de délit. Rejetée par ses amis mais surtout sa famille. Qui n'accepte pas qu'elle souhaite donner la vie. Voilà ce que je dirais si je devais donner mon avis. Mettre un enfant au monde ne devrait pas être puni. C'est la plus belle chose qui soit et si tu le nies, c'est que tu n'as rien compris. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Elle n'est pas d'accord, elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Celui-ci c'est pour toutes les Aurélies, celles qui ont donné la vie. Pour toutes les Aurélies, oh, mère a tout pris. Ce petit garnement et l'audace incarné, il me ressemble tellement que je ne pourrais le renier. Notre fraternité lui a permis d'hériter de ma classe naturelle, de ma subtilité. Je ne cesse de lui donner des conseils par milliers. Petit énergumène, vous très me ressemblez. Menez les femmes par le bout du nez. Alors avant, il doit apprendre à m'écouter. Hey. En venant me chercher tous les soirs avec un bouquet de fleurs. Mais lorsqu'elle sort, elle ne fait jamais rien. Jamais. Et repart avec moi le bouquet à la main. Il est le même que moi. Non, il ne faut pas l'écouter, je ne veux pas lui ressembler. Il sera le même que moi. Et j'en suis fier. j'en suis fier, car il a tout pour plaire. Chien et chat, on s'aime plus que tout, malgré nos petites querelles, je l'avoue. Entre nous, je crois juste qu'il est un peu jaloux. Jaloux, oh yeah. Je ne veux pas lui ressembler. Il sera le même que moi. Et j'en suis fier, car il a tout pour plaire. Il est le même que moi. Tu vois, je crois, c'est sûrement pas, non, non, non, yeah. Il sera le même que moi. Et j'en suis fier. Leurs paroles

driving spaceships instead of cars. Copper pot, a space suit about the stars. Getting stupid high, straight about the jaws. Pockets on Shrek, rockets on deck. Tell me what's next, alien sex. I'ma disrobe you, then I'ma probe you. See, I abducted you, so I tell you what to do. I tell you what to do, what to do, what to do. Kiss me, kiss, you kiss me. Infect me with your love and fill me with your poison. Take me, take me. Wanna be a victim, ready for abduction. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Chaleur des îles, ma demoiselle est belle. Elle me rend tellement fragile, son sourire m'ensorcelle. Juste un battement de cils, je viens statue de sel. Moi qui ne suis pas docile, je le serai avec elle. Moi perso je les ai bien aimé tes photos, oh, oh, oh. Ça a même joué sur ma libido, oh, oh, oh. À l'objet tu as fait avaler ton chapeau, oh, oh, oh. Quand je te vois à la télé dans mon poste, ça hey, hey, hey. On stoppe les conneries là. Mais comment tu parles à ma sœur? J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle elle ne veut pas. Non non j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, elle veut pas, non, non, non, elle veut pas, non, non, non, elle veut pas, non, non, non, elle veut pas. Non, elle veut pas, non, non, non, elle veut pas, non, non, non, elle veut pas, non, non, non, elle veut pas. J'emmènerai sur les plages de Punta Cabana. On ira tous les deux dans la cabane. Elle goûtera aux délices de la Havane. J'connais pas plus sexy que cette nana là. Oh mon dieu, quelle est belle ma métisse. Tu ferais goûter à mes délices. Mes yeux brillent devant cette divine esquisse. Ce n'est peut-être une autre mise, mais c'est pour moi la number one. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Non, non, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Oui, j'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle, elle ne veut pas. Tu peux la chercher, oh, tu vas pas la trouver. Mets-toi de côté, oh, faut la laisser passer. Mon ami, tu rêves, car cette fille n'est pas pour toi. Partout, hein. The memory of you still lingers on, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Para usted. Si je fumais, j'aurais pété une clope. Débord d'inspiration, pas besoin de dog. Si Paris va bien, maître Gims pète la forme. Moi, je le milliardaire, cristal Monte Cristo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mon arrivée fait l'effet d'un coup dans le plexus. Je vais pas dire de dinguerie, sinon va falloir que je m'excuse. Je me dirige vers l'apogée, j'ai tout prévu pour là-haut. Là, on s'équipe pas de pistolet à eau. Dites aux touristes qui bêtement sourient que la visite de Paname n'est pas absente de tout risque. Ces rues pourrissent, des mifs de souris se cachent dans les déchets dont les chers clos se nourrissent. C'est ma ville, oui, c'est Paname Town. Bisous à ceux qui disent qu'on restera pas longtemps. Dites aux jaloux qui peuvent s'en mordre fort les fesses. Triple platine in your motherfucking face. Si je fumais, j'aurais pété une clope. Débord d'inspiration, pas besoin de dog. Si Paris va bien, maître Gims pète la forme. Moi, je le milliardaire, cristal Monte Cristo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Avec le style que j'aime, mes opposants je les gêne. Mais ce n'est qu'un simple texte en attendant l'apogée. à la prochaine. Quand y'a du fric, y'a des groupies et tous les autres qui suivent. C'est le triple disque de platine, donc forcément ça brille. Je vais faire mine de m'affaiblir, tout ça pour te faire plaisir. Mais ça kick un truc de ouf, je peux pas dire que tu es leader. Et si je tombe, je cicatrice comme nature leader. Putain, y'a même pas 5 ans, je kick et ça sur verbatim. 7-5-0-9, ici ça pire du dream. Moi je peux te décrocher la lune en gardant l'épée sur terre. Harry, je suis trop déter. Pour tout ce qui est des loups, j'ai mais ça de tech. Sous Jack, c'est sur nos 11 que ça bouge dans la discothèque. Tu veux du swag, chouve moi, connard City. Est-ce que tu sais ce que je fais moi, ta connasse de critique? Elle me rentre par une oreille, elle me ressort par le huc. Eux ils prétendent tous faire du lourd bizarre, personne n'a le truc. Mon téléphone sonne plus, attends le flop. M'a-t-il dit, tu verras que ton téléphone sonne plus. Si je fumais, j'aurais pété une top. J'déborde d'inspiration, pas besoin de drogue. Si Paris va bien, mettre Gui spot la forme, moi j'le milliardaire cristal Monte Cristo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Laisse-les avec leur rap game, les jeux c'est pour les mômes. J'kick l'or et j'me barre, moi c'est AD pour les nôtres. On sait d'où on vient, on s'en fout de ton trône. Si on tourne le dos à la rue, c'est rien que le temps d'un contrôle. Les gens te bousculent, sois pas vexé pour rien. Plus grand chose nous étonne, y'a même TVC pour chien. Les rues sont tellement pleines que les mecs traînent dans les gares. On baigne dans les gares, m'en plein de peine dans les gares. La street est remplie de merde, quand on marche on fait de la polka. L'état nous a trop baisés, donc ils se mettent dans le bis de podka. Les rappeurs kick mais sont trop lents, ouais j'fais du slow. Section d'assaut, c'est Belize avec du flow. Si je fumais, j'aurais pété une clope. J'déborde d'inspiration, pas besoin de drogue. Si Paris va bien, maître Gims pète la forme. Moi j'le milliardaire, cristal Monte Cristo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ambiancé comme les carnavals du Brésil. chaleureux comme un repas en Palestine. Créative, ambitieuse comme la Chine. Elle est chrétienne, juive et muslime. Colorée comme les paysages de Tahiti. La terre est belle comme les filles de Bali. Je me vois surfer sur les vagues d'Australie. Le dimanche dans un mariage au Mali. Elle est en djellaba en mini jupe en sari. Dans une jeep touristique en safari. J'kiffe ses éclats de rire quand ça charrie. Innocence, morceau, c'est sa plaidoirie. Y'a de l'espoir sous le cri de nouveau-né. Donner une chance à ses enfants abandonnés. Une criminelle peut mettre au monde un agent de la paix. J'suis comme ces chirurgiens qui t'apportent des bonnes nouvelles. Passez une bonne journée. Laissez dans le monde que t'as le meilleur du monde. Quoi que l'on puisse écrire. Le meilleur du monde. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP. La mejor música para usted. Dis quand tu danses, est-ce que tu penses à moi ?